Ouais, c'est avec un groupe jamais programmé que s'ouvre votre 288e Pop & Rock sur la très locale RVR Yanis and the Yo, programmé dans Pop & Rock après que votre serviteur les ait découverts dans les riches playlists de France Inter. Et ce titre, s'il n'y a pourtant que peu de similitudes, me fait penser à un truc programmé plusieurs fois dans Pop & Rock et que je vous envoie tout de suite. We'll be right back.

entre 17h et 18h au 104.6, vous écoutez Pop & Rock sur RVR. Là, je l'avoue, je me fais un petit plaisir avec cette belle triplette constituée de LCD Sound System suivie de Car Seat Headrest, et à l'instant, c'était le Stuck in the Sun avec Let's Go. Et écoutez, franchement, mon plaisir ne s'arrête pas là, puisque je vous rajoute le Virgin de Manchester Orchestra. Ouais, t'as raison, dans la gêne, pas de plaisir. Merci de valider la voix off. Straight in your

Aïe aïe aïe, mais alors là ça pue les premiers pop and rock ça, Maria Dance qui enchaîne Manchester Orchestra, et écoutez, il ne manquerait plus qu'un vieux Nickelback. Il va le faire, c'est sûr, il va le faire, il va vous mettre un Nickelback. Et pourquoi pas? Never made it as a wise man, I couldn't cut it as a poor man stealing, tired of living like a blind man, I'm sick inside without a sense of feeling, and this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. It's not like you to say sorry. I was waiting on a different story. This time I'm mistaken for letting you a heart worth breaking. And I've been wrong, I've been down, been to the bottom of every bottle. Didn't stop working. Aimez toutes nos programmations, retrouvons-nous tous les lundis soirs à 17h au 104.6. Ou alors encore, vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook de Pop & Rock sur RVR. Go ahead, wreck havoc. Si on programme pas mal de nouveaux titres de Raskolnikov ces derniers temps, vous voyez qu'on n'oublie pas pour autant Albert Roche. Mais à présent, on revient vers l'irréparable issu du dernier album sorti de Raskolnikov. Un troisième Raskolnikov. C'est noir, c'est froid, c'est vif et c'est tranchant. Ouais, c'est Raskolnikov, mais c'est aussi Clinique Rodeo. Quand je repense au premier pop and rock, je me rappelle qu'ils évoquaient beaucoup les années 80 comme un Eldorado du rock, mais soyons francs, les années 90 n'ont pas été mal non plus. Et ce sera donc avec le Brian Johnston Massacre, ouais, les cousins des Dandy Warhols, qu'on referme la baraque. N'oubliez pas de nous retrouver chez les vieux, ouais, sur la page Facebook de Pop'n Rock sur RVR. Mais en attendant, rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Hey, bon vent à tous !